Bah, moi, j'espère que la crise est derrière nous. En tout cas, ce qui est positif, c'est que espero dut krisia gure gibelean dela. Baiko gardena da, energia tresna kolektibo gisa beti martxan dela, norbanakoen interesen gainetik. Hori irabazia da, gaur egun, energia badabil. Donc ça c'est gagné, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Energia fonctionne. Et par contre, moi à titre personnel, ce que je regrette, c'est ce qui se passe pour les salariés historiques d'Energia, où je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et qu'il n'y a pas eu l'opportunité. Nire damu bakarra da, pertsonalki Energiako langileekin gertatu dena. Ez ulertze asko izan dira. Ez dugu aukerarik izan haiekin mintzatzeko, ez dute onartu akarekin mintzatzea. Gaur egun ez da izan kanporatzerik, baina joan nahi dute, eta gaur egun joaiten badira langile gisa, haien baitatik da, eta haiek galdegia. Haiena, mea Energia, il n'y a pas eu de licenciement, et donc aujourd'hui, s'ils partent en tant que salariés, c'est de leur plein gré, et c'est leur demande.